Pourquoi la mère de Camo l'a-t-elle soudain abandonnée? Pourquoi Camo, qui ne craint rien ni personne, a-t-il tout à coup peur d'une simple bicyclette? Et d'ailleurs, qui est vraiment Camo? D'où vient ce nom étrange? Qui l'a porté avant lui? Toutes ces questions semblent n'avoir aucun rapport entre elles. Pourtant, si l'on ne peut y répondre, Camo mourra. C'est aussi grave que ça? Oh oui, un terrible accident de vélo. Double fracture du crâne, gros hématome céphalo-rachidien. Très peu d'espoir. Camo ne mourra pas, dit le grand Lantier. On va le sauver. Et comment? En pensant à lui, nuit et jour. Ne jamais l'oublier. Pensez à lui sans une seconde d'interruption. Et Camo s'en tirera. C'est gagné d'avance. S'il le dit. Ce jour-là, Pop et Moon me laissèrent dormir. Exempt de collège. Ce fut le téléphone qui me réveilla à 10:30. Salut toi! Le grand Lantier de l'autre côté. À ton tour de penser à Camo. Je rentre chez moi pour pioncer un coup. Comment ça s'est passé ce matin en classe? Très bien, j'ai bloqué 2 heures de colle en physique. Pourquoi? Parce que je pensais à autre chose, pardi. Il gloussa. Ça aurait bien fait marrer Camo d'ailleurs. Raconte. Oh, 3 fois rien, dit Lantier. Juste Plantard qui me fait venir au tableau. À peine si je l'ai entendu m'appeler, tellement je pensais à Camo. Alors il m'appelle une seconde fois et les autres commencent déjà à se marrer. Bon, je vais au tableau. Plantard m'interroge. Muet j'étais, muet je reste. Dois-je comprendre que vous savez pas votre leçon, Lantier? Oui, monsieur, fait ma tête. C'est bien ce que vous devez comprendre, monsieur. Et quelle explication allez-vous me servir cette fois-ci, Lantier? Votre cartable oublié une fois de plus chez un de vos innombrables cousins? Non, monsieur, fait ma tête. Non, monsieur. Alors? Et c'est là que je dis. Je n'ai pas appris ma leçon, monsieur, parce que je pensais à autre chose. Et j'y pense encore en ce moment même, monsieur. C'est pour ça que je suis muet, monsieur. Explosion dans la classe, tu imagines? Mais Plantard lève la main. Et pouvez-vous nous dire à quoi vous pensez, Lantier? À quelqu'un, monsieur. Hurlement derrière moi. À qui tu pensais, Lantier? Comment elle s'appelle? Elle est mignonne? Et Plantard, tu le connais celui-là, toujours à hurler avec les loups. Eh bien, Lantier, répondez à vos camarades. À qui pensiez-vous donc pour ne pas apprendre votre leçon? Moi, en rajoutant dans le genre grand couillon. Elle s'appelle Cathy, monsieur. La classe. Cathy, Cathy, comme c'est mignon ça! Tu nous balances ton téléphone, Lantier? Écris-le au tableau! Et moi? Elle s'appelle Catherine Earnshaw, c'est l'héroïne des Hauts de Hurlevent. Un roman, monsieur. Je l'ai lu cette nuit. Bref, silence de Lantier au bout du fil. Puis? Voilà, il m'a mis 2 heures. Mais le plus fort, c'est que c'était vrai. Je me suis farci les Hauts de Hurlevent cette nuit. J'ai trouvé que c'était la meilleure façon de penser à Camo. Nouveau silence. Et tu veux que je te dise? Je me demande pourquoi il aime tellement cette Cathy. Moi, je trouve que c'est plutôt une emmerdeuse. Pas de quoi se foutre contre une bagnole pour elle. Il disait cela le plus sincèrement du monde. Il ajouta. Enfin, ce sont les affaires de Camo. Tu le connais, en amour, il n'y a pas moyen de le raisonner. Sur son lit d'hôpital, Camo était extraordinairement immobile. Il avait un visage de cire et de craie. Ses paupières étaient mauves comme le ciel à l'aube de son accident. Une seconde, j'ai cru qu'il avait cessé de respirer. Je me suis penchée. Non, c'était l'immobilité qui donnait cette impression. L'immobilité et le bandage, peut-être. Le bandage si blanc. Mais il respirait. Faiblement. Comme s'il était recroquevillé là-bas, au fond de lui-même, et que son souffle eut toutes les peines du monde à atteindre le dehors, l'extérieur. Le grand extérieur, comme avait dit Camo un matin, en désignant d'un geste large les montagnes du Vercors. Il n'y avait rien d'autre que ce bandage. Et c'était presque plus terrible. S'il avait été couvert de plaies et de bosses, on se serait dit « Sacré Camo, Tout amoché, c'est bien de lui, ça. Pas d'inquiétude, il va se réparer comme d'habitude. Mais non. Pour une fois, le visage de Camo était lisse comme celui d'un nouveau-né. Pas la moindre égratignure. Rien de visible. Uniquement ce bandage blanc qui lui faisait la tête étroite. Mon ami Camo était cassé dedans. L'immobilité, c'est le contraire de Camo. Voilà ce que je ne cessais de me répéter, debout à son chevet. L'immobilité, c'est le contraire de Camo. Brusquement, j'ai mesuré la stupidité de nos jeux d'enfants. Comme si penser à Camo était suffisant pour vaincre cette pâleur de cire, pour ranimer cette immobilité, pour faire que cela se répare dedans. C'est une méthode comme une autre, me dit le docteur Grapp. C'était le docteur du collège. J'étais arrivée chez lui à bout de souffle. Je lui avais exposé la théorie de l'entier. Vous croyez que ça peut marcher ? Le docteur Grapp ne me répondit pas directement. Mais ce qu'il me dit valait toutes les réponses. L'affection, la vraie, ça a toujours donné envie de guérir. Il fallait penser à Camo. Il fallait y penser sans faiblir. L'entier avait raison. Et pour cela, il fallait combattre l'impression qu'avait laissée en moi son immobilité. Son immobilité. C'est alors que je me suis rappelé l'histoire du chat. Nous étions au cours préparatoire à l'époque, première année. Ça ne datait pas d'hier. Nous rentrions de l'école et le chat s'était fait écraser sous nos yeux. Pas exactement écrasé, à peu près le même accident que Camo. Il avait voulu traverser la rue en deux bonds et l'aile de la voiture l'avait frappé en plein vol. Il avait été projeté contre la poitrine de Camo qui avait vacillé sous le choc, mais dont les bras s'étaient instinctivement refermés sur le chat. Camo était resté là, debout, l'animal dans les bras, à regarder la voiture filer. De la bouche entrouverte du chat passait un petit bout de langue où perlait une goutte de sang. Il ne bougeait plus. Cette immobilité, justement, qui est autre chose que le sommeil. « Il est mort ?» dis-je. « Non, » répondit Camo. Le chat dans les bras, Camo marcha tranquillement jusqu'à chez lui, grimpa les deux étages qui menaient à son appartement et, quand sa mère lui eut ouvert, il gagna sa chambre sans un mot, se glissa dans son lit sans même ôter ses vêtements pour ne pas déranger le chat et resta couché 3 jours dans le silence et l'immobilité, 3 jours et 3 nuits, jusqu'à ce 4e matin où le chat enfin ouvrit un œil, puis l'autre, bâilla et sauta des bras de Camo. « Tu vois ?» me dit Camo. « Quand ils sont très malades, ils font semblant d'être morts. C'est leur façon à eux de se soigner. Et si tu leur tiens compagnie, ça va plus vite. À la maison, Pop et Moon tournaient maintenant comme des fauves en cage. « C'est incroyable !» disait Pop. « Il faut absolument la retrouver !»« Je passerai demain à l'ambassade, » disait Moon. « D'un autre côté, » disait Pop, « le plus tard elle saura. » « Je sais, » disait Moon, « je sais. » Puis elle se laissa tomber sur une chaise, se mit à pleurer en silence et répéta pour la 1000e fois « mon Dieu, si seulement je t'avais écouté !» Il venait de passer la journée à essayer de joindre la mère de Camo. Il s'était adressé à l'agence qui avait organisé son voyage. L'agence avait téléphoné à son bureau de Leningrad, redevenu Saint-Pétersbourg, où l'on supposait que le groupe se trouvait encore. Il s'y trouvait, en effet, mais la mère de Camo avait disparu. « Elle a dû quitter son groupe, » dis-je. « Elle a continué son voyage toute seule. »« Impossible !» répondit Pop. « Il faudrait être fou pour partir tout seul dans la grande pagaille russe !»« C'est pourtant ce qu'elle est en train de faire. » Pop cessa brusquement de déambuler et se tourna tout d'une pièce vers moi. « Qu'est-ce que tu en sais, toi ?»« Je le sais. » Je le savais. Pendant une de nos dernières nuits dans le Vercors, Camo avait eu un petit rire, puis il avait dit « À l'heure qu'il est, elle doit être en train de leur fausser compagnie. »« Leur fausser compagnie ? Tu crois que ma mère est allée en Russie pour photographier le Kremlin avec une bande de touristes en Bermuda? Elle est allée à la recherche de mon arrière-grand-père, l'autre Camo, le vrai, et elle le trouvera. Il n'est pas mort? Bien sûr que si. Il est né en 1882 et mort en 1922, à l'âge de 40 ans. Mais ce que Mélissie, la grecque, l'abeille, n'avait jamais voulu dire, c'est la façon dont il est mort. Elle le savait, mais ni ma grand-mère, ni ma mère n'ont pu le lui faire dire. C'est une sorte de secret, et ma mère est bien décidée à le découvrir. Puis, fièrement. Il n'est pas né celui qui obligerait ma mère à suivre le troupeau. Depuis des jours maintenant, sur ma table de nuit, la montre cassée de Camo marquait 11 heures. Ce n'est pas facile de penser sans arrêt à quelqu'un. Même si ce quelqu'un s'appelle Camo. Même si ce Camo est ton meilleur ami. La pensée a des trous par lesquels elle s'évade d'elle-même. Ton regard plonge dans une photo de montagne. Ton oreille accroche une note de musique. Et tu sors de ton devoir de maths. Ou tu cesses de penser à ton ami Camo. Au début, je laissais venir à moi les images de Camo, librement. Les dernières, bien sûr, arrivèrent d'abord. Images de vacances. Longues conversations nocturnes. Les recettes de Camo. Le parfum du poulet aux écrevisses. Camo et nos sacoches de facteurs. Tout cela en vrac. Bataille de polochons et balade dans la montagne. Puis, ce fut comme un robinet qui se tarit, qui ne coule plus que goutte à goutte. Il me fallut organiser ma mémoire, reprendre tout depuis le commencement. Notre rencontre à la crèche. Où nous étions tous les deux amoureux de la même crèchonnière qui s'appelait Madomagie et qui secouait des hochets sous notre nez pour gagner sa vie d'étudiante. Puis, ce furent la maternelle et le cours préparatoire. Et le cours moyen, où notre maître, Monsieur Marjorel, nous préparait à entrer en 6e en imitant tous les profs que nous y trouverions. L'admiration de Camo pour Marjorel en prof de maths rêveur, si différent de Marjorel en prof de français grincheux. Et Crastin, un an plus tard, justement, Crastin, le prof de français de 6e dont tout le monde avait une peur atroce. Tout le monde sauf Camo. La façon extravagante dont Camo avait appris l'anglais et fait la connaissance de Catherine Earnshaw, l'héroïne des Hauts de Rue Le Vent. Mais venait l'heure d'aller en classe. L'heure de passer à table. L'heure de faire mes devoirs. Et la pluie de questions, chaque fois qu'on me sentait ailleurs. À quoi pensez-vous donc ? Combien de fois faudra-t-il t'appeler ? Vous ne pouvez pas faire attention ? Alors toi, tu joues, oui ? Un vrai supplice de penser dans ces conditions. Quand le grand Lantier m'appelait pour prendre la relève, je décrochais le téléphone aussi épuisé que si j'avais passé ma journée au fond d'une mine à pousser des chariots de fonte remplis d'un Camo de plus en plus lourd. Et ce qui devait arriver, bien sûr, arriva. Cela se passa un mercredi après-midi dans mon bain. On ne peut rien vous demander quand vous êtes dans votre bain. C'est l'endroit idéal pour penser. Je m'étais donc enfoui dans la mousse du bain, cherchant désespérément une pensée nouvelle qui pût aider Camo. Pauvre Camo, j'avais beau le connaître depuis toujours, il me semblait avoir pensé tout, absolument tout ce qu'on pouvait penser de lui. Alors, j'appelais son visage hirsute de plâtrier dans le grenier de Pop, son visage impénétrable quand il préparait une blague, le visage de Camo amoureux de Cathy. Et tous les visages répondirent à l'appel, mais se confondirent petit à petit jusqu'au moment où il me fut impossible de me rappeler un seul trait de Camo, impossible de dire à quoi pouvait bien ressembler ce Camo auquel je pensais sans arrêt depuis près d'une semaine. C'était comme si l'image de Camo avait fondu dans la chaleur du bain en même temps que la mousse. Tant pis, il me restait au moins son nom. Le nom de Camo, plus rien d'autre que ce nom. Camo, que je me mis à répéter dans ma tête indéfiniment parce qu'il y allait de sa vie. Camo, Camo, Camo, Camo, Camo. Mais le nom était composé de 2 syllabes qui se détachèrent bientôt l'une de l'autre comme si je les avais usées à force de les répéter. Camo, Camo, Camo. Et qui, chacune de leur côté? Camo. mots n'évoquaient plus rien du tout, jusqu'à perdre même leur orthographe. Camo. Le bain était froid quand je me réveillais. Mon Dieu, ce froid! Quand le grand Lantier décrocha enfin le téléphone pour prononcer un « Allô !» en sommeillé, je hurlai. « Lantier, j'ai cessé de penser à Camo !» Il y eut un silence de mort au bout du fil. Je me suis endormie dans mon bain. Lantier raccrocha sans un mot. Je me précipitai à l'hôpital. Le grand Lantier était arrivé avant moi. Debout, les lèvres tremblantes, les paupières gonflées, le grand Lantier me regardait par-dessus le lit de Camo. Les lèvres de Camo étaient bleuies par le froid, l'extrémité de ses doigts aussi. Je touchais cette main, mais retirais aussitôt la mienne dans un sursaut. Le froid de mon bain, exactement la même température. C'est fini, dit Lantier. L'immobilité de Camo, maintenant, était celle d'un bloc de glace dérivant loin de nous, avec une lenteur contre laquelle nous ne pouvions plus rien. « Il faut sonner une infirmière, » dit Lantier. Mais ni lui ni moi ne bougeâmes. Nos yeux ne parvenaient pas à se détacher du visage de Camo. À la vérité, il était bien difficile de retrouver notre Camo dans ce visage. On ne voyait plus que le bandeau blanc, effrayant comme un carcan de glace. Les mains du grand Lantier pendaient au bout de ses bras, impuissantes, énormes. « Il faut sonner » répéta-t-il. Derrière l'épais rideau des larmes, ses yeux cherchaient le bouton de la sonnette. Il fallait sonner. Il fallait sonner pour qu'on vînt nous enlever notre Camo. Définitivement cette fois-ci. Le regard de Lantier s'était enfin posé sur un bouton carré où l'on avait gravé la silhouette d'une infirmière avec son tablier blanc. Il regardait ce bouton comme si le seul fait d'appuyer dessus allait faire exploser l'hôpital. Puis il me regarda moi et je fis oui de la tête. Alors, Lantier pointa son index vers la sonnette. « Ne touche pas à ça, imbécile !» Lantier n'eût pas sauté plus haut si la sonnette l'avait électrocuté. « Qu'est-ce que tu dis ?» Je n'avais rien dit. Je levai les yeux sur la porte vers laquelle Lantier s'était retourné. Personne. Il n'y avait que nous deux dans cette chambre. Nous deux et Camo. Mais Camo n'avait pas bougé. C'était le même visage bleui, enserré dans le carcan de glace, les mêmes mains de chaque côté du corps amaigri, aussi fines aujourd'hui que des pattes de moineau. Alors nous regardâmes la sonnette une nouvelle fois. Bon Dieu, que j'ai froid! Ce n'était pas la sonnette qui venait de dire ça. Lantier fut le premier à le comprendre. Il se laissa tomber de tout son poids sur ses deux genoux au pied du lit de Camo et, la bouche toute proche de son oreille, demanda « Tu as froid ?» Pendant quelques secondes, Camo ne broncha pas. Enfin, nous vîmes ses lèvres bleues prononcer distinctement. « Javaïr, j'ai trop froid. Trouve-moi une pelisse. » Camo avait parlé. Camo avait parlé et ce fut comme si nous ressuscitions nous-mêmes. Je me ruai sur les radiateurs. Ils étaient bouillants. Je refermai la fenêtre entrouverte et ouvris les placards de la chambre. Pas la moindre couverture. Toujours penché sur la bouche de Camo, le grand Lantier leva une main agacée par le bruit de mon remue-ménage. Je me figeai sur place et entendis nettement Camo dire « Une pelisse, Javaïr, ou je ne sortirai jamais de ce trou. » Je me demandais qui était Javaïr, mais Lantier posa une autre question. « Qu'est-ce que c'est, une pelisse ? » Un manteau de mouton, dis-je. Ou un manteau d'ours. Une fourrure, quoi. Une lueur passa dans le regard du grand Lantier. D'un seul geste, il ôta sa veste qu'il étendit sur la poitrine de Camo en murmurant. « Tiens, mon petit père, c'est la pelisse la plus chaude du monde. » Ce n'était pas une veste chaude, pourtant, c'était le haut d'un de ces bleus de travail dont le père Lantier habillait ses 8 enfants dès le printemps venu. L'hiver, il portait des pantalons et des vestes de charpentier, en gros velours côtelé. Ce n'était pas chaud, non. Pourtant, quand je voulus aller chercher une vraie couverture, Lantier me retint d'un geste. « Laisse !» Et, en effet, dans la demi-heure qui suivit, nous vîmes le corps de Camo retrouver ses couleurs. Il se réchauffait à vue d'œil. « Incroyable !» murmura Lantier. « On croirait voir le mercure remonter dans un thermomètre. » Les doigts de Camo avaient retrouvé leur souplesse et son visage était bien le visage de Camo. C'est alors que ses lèvres dessinèrent un imperceptible sourire et qu'il murmura, les yeux toujours fermés. « Maintenant, tout est devenu possible. » À ce moment-là, l'infirmière que nous n'avions pas sonnée entra dans la chambre. Mais qu'est-ce que c'est que cette veste ? Demanda-t-elle immédiatement. Vous trouvez qu'il ne fait pas assez chaud ici ? C'était une grande Antillaise à la voix autoritaire et aux gestes rapides. Elle entr'ouvrit la fenêtre que je venais de fermer, baissa l'intensité des radiateurs, jeta un coup d'œil à la courbe des températures pendant que, à mon grand étonnement, Lantier reprenait sa veste et l'enfilait comme si de rien n'était. L'infirmière se pencha au-dessus de Camo et, dans un grand sourire, lui dit « On dirait que tu as meilleure mine aujourd'hui, mon chéri. Tu as raison, bagarre-toi. Moi, je sais que tu vas t'en sortir. » Puis à nous deux. « Il faut lui parler, les garçons. Il faut faire comme s'il entendait. Mais ce n'est pas la peine de trop le couvrir. » Sur quoi, elle sortit aussi rapidement qu'elle était rentrée. Je me levai pour refermer la fenêtre et rouvrir le radiateur. « Pas la peine, fit Lantier, elle a raison. » Puis, en ôtant de nouveau sa veste, il dit « Il fait trop chaud dans cette pièce. C'est en lui qu'il fait froid, à l'intérieur. » Il rabattit drap et couverture, plaça la veste de travail sur la poitrine de Camo et refit le lit, comme si de rien n'était, de façon à rendre la veste invisible. Nous marchions en silence, Lantier et moi. Nous n'avions pas pris le métro. Nous marchions dans la ville comme si elle était vide, comme si elle nous appartenait. Il n'y avait que nous et les arbres. Un bonheur tel en nous qu'un claquement de nos doigts aurait suffi à les faire tous fleurir. Qui dit qu'il n'y a pas d'arbres à Paris ? Il n'y a que ça quand on est heureux. Au bout d'un bon quart d'heure, je finis tout de même par demander « D'après toi, qui est-ce, Javahir ?» Je m'en fous complètement. Devant mon air ahuri, le grand Lantier partit de son rire à lui, un rire très lent, inimitable. « Tu sais, dit-il enfin, moi, je suis un grand con, c'est connu. » Ses mains étaient profondément enfoncées dans son pantalon et il marchait, tête penchée, comme fasciné par le spectacle de ses gigantesques pieds. « Alors, je ne cherche pas à comprendre, j'obéis, c'est tout. » Mais il souriait. « Mon pote me demande une pelisse ? Va pour une pelisse. Mon pote m'appelle Javahir ? Why not ? Pourvu qu'il revienne à la surface. » L'agence de voyage avait remué le ciel et la terre de toutes les Russies. Pas la moindre trace de la mère de Camo. Enfin, bon Dieu, tempêtait Pop. On ne disparaît pas comme ça. D'un autre côté, répétait Moon, plus tard elle apprendra l'état de Camo, mieux ça vaudra. Pop et Moon aussi se rendaient tous les jours à l'hôpital. Ils se tenaient longuement au chevet de Camo et revenaient à la maison, Pop soutenant Moon. Les soirées s'étiraient dans le même silence. L'un des deux parfois secouait la tête et cela voulait dire « c'est de ma faute ». Je les aurais volontiers consolés ce soir-là, mais le grand Lantier m'avait dit « Surtout pas ! Ne leur dis pas que Camo a parlé !» Pourquoi ? Je ne sais pas. Il avait un air totalement égaré en me disant cela. Une soudaine panique dans les yeux. Je ne sais pas. Il me semble... Personne d'autre que nous ne doit le savoir. Jure-le-moi. Il s'était retourné. Il me faisait face. Je vis que ses mains énormes s'étaient refermées dans ses poches. Jure-le. D'accord, Lantier, d'accord. Je ne dirai rien. C'est juré. Tout de même, ce soir-là, devant le malheur de Pop, devant le malheur de Moon, je ne puis m'empêcher de dire... Eh, vous deux ! Pop leva une tête très lente. Je ne les appelais vous deux que dans les grands moments de gaieté. Camo va s'en sortir, dis-je. Pop me regardait comme s'il ne m'entendait pas. J'éclatai de rire et dis... Les adolescentes, ces antennes que les vieux schnocks ont perdues. Ça ne les fit sourire ni l'un ni l'autre. Alors je m'assis à côté de Moon que j'enveloppais de mes bras. « Maman, tu as confiance en moi ?» Elle fit oui de la tête, un oui minuscule. « Alors écoute bien ça, Camo va s'en sortir. » Et j'ajoutai. « Je te le jure. » N'est-ce pas une lueur d'espoir que je vois poindre à l'horizon ? Eh oui, je t'avais bien dit que le grand Lantier, il est moins con qu'il en a l'air. Ici s'achève le troisième épisode de l'évasion de Camo.